de maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go! Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Maître Gims dans Planet Rap. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Maître Gims. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée. Bienvenue à vous tous. Planet Rap avec Monsieur Gims qui est là. Maître Gims. Ouais. Bonjour. Comment va? Bonsoir à tous, ça va très bien. En pleine forme à 3 jours de la sortie. Ouais. Mon cœur avait raison. Ouais. Pilule bleue, pilule rouge, on l'a dit hein, cette semaine. Bleu et rouge. On est quoi? Plutôt pilule bleue ce soir? Plutôt pilule rouge? Ah, bleu. On est bleu ce soir. Ah, ce soir, on est bleu. On est encore bleu ce soir. Ah, on est encore bleu? Pourtant, il me semblait qu'il y avait des invités ce soir. Il y a des invités ce soir, ouais. Il y a des invités, mais on est bleu. La semaine 100% rouge, on la fera un peu plus tard. Dans une quinzaine de jours. On va varier. Il y aura du rouge aussi cette semaine. Mm-hmm. Mais là, on est d'humeur bleue. Bon, humeur bleue, chantant. Pour certains, il y a un rouge comme X-Gangs ici. X-Gangs qu'on salue aussi, ou l'un des clones de X-Gangs. Parce que ou l'un des clones peut-être. On abordera aussi, il y a un projet familial. Un Caribouchine. Un projet familial qui se prépare. Un projet familial qui se prépare, on en parlera plus tard. Il y a un featuring familial. Ouais. Mayweather, en featuring avec X-Gangs, Jelas, Beijing et Daju du Shinsekai. Bon, ce sera les projets pour 2016. Voilà, ce sera les projets pour un peu plus tard. Grosso modo, c'est la Juna Family. On annonce ça avec ce featuring-là de Mayweather. Très bien, et ben on pourra en reparler cette semaine. Ouais. Et là, on débute comme chaque soir avec le morceau qui est arrivé hier. Nouveau titre, extrait de Mon cœur avait raison. Tiens, on te confie le téléphone qui n'a pas arrêté de sonner. Le téléphone qui commence déjà, D'ailleurs, on fera un petit point. Il y a un petit extrait d'un répondeur qu'on te balancera dans un instant. Ok. Mais juste avant, le morceau brisé, c'est extrait de Mon cœur avait raison. Brisé, ouais. Gims. Des fois je te hais, pour ne pas dire que j'ai tout donné. J'ai donné tout autant que toi, tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi, c'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres quand tu mens. Tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Vois-tu comment le diable est habile? La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres quand tu mens. Tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. J'essaie d'y croire. Je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé. Planète Rap avec Maître Gims, Mon cœur avait raison, et ce morceau qui s'appelle Brisé à l'instant, qui fait partie d'ailleurs de cette pilule bleue. Hein. Ouais. On l'a dit, deux albums, un côté un peu plus chantant, c'est le côté pilule bleue. Ouais. Et un côté un peu plus rappé, j'ai envie de dire, un peu plus peut-être énervé un parfois. Peu plus énervé, un peu plus énervé. Ciblé quoi. Ciblé, c'est ouais. La pilule rouge. La pilule rouge. Ce soir, on est un petit peu donc dans la pilule bleue. On est un peu dans la bleue, il y aura un peu de rouge, un peu. Une arrivée de quelques rouges. Voilà, une arrivée de quelques rouges. Ça arrive dans. Les Crips, on dirait un peu, hein, ça ouais, fait c'est un ça, peu. Hein. C'est ça, en fait. Tu as été inspiré évidemment ouais. par Matrix pour les pilules. Et plein d'autres choses aussi. Grave. Ça fait partie d'ailleurs de cette époque, toi, West Coast, t'as beaucoup écouté ou pas ? Moi, j'étais gamin, mais j'ai écouté, oui, j'ai écouté. Mm. Bien sûr, d'ailleurs, NWA, là, ouais, le film arrive. Il est incroyable. Tu peux voir qu'il y a Eazy-E. Le film est incroyable. C'est ouf. Non, le film, vraiment, l'acting. Absolument hallucinant. Ah ouais. Ça me donne envie d'aller le voir. C'est le 16 septembre le film NWA, en effet, qui retrace le parcours de NWA, mais pas que, aussi qui revient aussi sur les événements ouais. Du côté de la société américaine ouais. qui sont vachement bien abordés dans ce film. Et 16 septembre, la sortie du film Skyrock NWA, on en reparlera évidemment. Là ce soir, on va se consacrer à cet album, donc cet album qui s'appelle Mon cœur avait raison. Ouais. Il sort vendredi. Vendredi. Boulot de plus d'une année maintenant. Plus d'une année maintenant. Voire plus. Ouais, ouais. Dans la conception, dans l'écriture. Parce que toi, en fait, t'es un peu le mec qui arrête jamais. Bah écoute, il y a toujours un air, il y a toujours quelque chose à fredonner, il y a toujours, tu vois, c'est vrai, en plus c'est terrible, hein. Ça devient une torture. Ouais, c'est vrai à ce point-là. Obligé parfois de s'isoler, de disparaître un petit peu pour prendre un petit peu de se ressourcer. C'est terrible. Non, t'as eu besoin aussi de couper pour cet album un moment de. Voilà, de. Je pense que oui, il fallait couper pour produire quelque chose derrière. Arrêter la musique un moment. Ouais, effectivement, bien sûr. T'as besoin de ça, je pense, de reculer pour mieux sauter. Vivre un petit peu c'est au quotidien. C'est pas mal de vivre. C'est bien aussi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal de vivre. Intéressant. Ouais. Bon, tiens, on va faire un petit point sur le téléphone aussi. Le téléphone pour joindre Maître Gims. Je vais vous refiler le numéro. Là, j'évite de filer parce qu'on est en train de tout faire exploser. Ouais. Hier, c'était un truc incroyable. Le truc a pété, le téléphone. Donc, je vous le refilerai quand même. Mais je sais. Bah, tu peux prendre quelqu'un si tu veux. Si t'as envie, vas-y. Hein. Mets-nous le haut-parleur ouais. qu'on entende. Allô? Allô? Ouais. Oui, allô, Maître Gims, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Oh, ça va? Oh, je suis choqué. Il s'appelle comment? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Antoine. Antoine. Je suis en train de vous écouter, là, et puis je vous appelle tout de suite, ça sonne. Eh bien, ça sonne, ça sonne et c'est toi, Antoine. Et c'est toi, Antoine. Tu viens de gagner 1 million d'euros. Quoi? Offert par Maître Gims Production. Par Skyrock. Qui t'enverra? Je tiens à préciser, offert par Maître Gims. Offert par Skyrock. Production et descendance. Tu appelles au 0014. Ah, je plaisante. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il t'appelle pourquoi ouais. alors? Bah, je voulais t'appeler pour te parler. Ah, oui, et bah. Voilà, pour simplement savoir aussi comment ça allait. Ça va, à 3 jours de l'album Mon cœur avait raison, un peu de stress, tout ça, mais c'est toujours bon, il faut stresser un peu et voilà, tout simplement. Ça va, ouais. Ça, va, ça va. Donc Antoine, tu es rassuré, tout va bien. Ouais, mais je suis content. Eh ben, rassuré plaisir, et content. Ça merci. Fait et bon, on va saluer, merci Antoine. Merci beaucoup Antoine d'avoir appelé. Il n'y a pas de problème. À bientôt, j'espère. Ciao Antoine. Merci. Voilà, c'est le téléphone, hein, le téléphone pour joindre Maître Gims. 24h sur 24, j'ai envie de dire. C'est le téléphone Planète Rap. Le numéro qui est le suivant, 06 71 74 84 15. Je te lis aussi deux, trois petits SMS qui sont arrivés sur ce téléphone que j'ai noté ouais. juste avant l'émission. Tu es un rappeur, mais avant tout un artiste, continue de nous faire rêver. Je t'adore, j'admire ta personne et ta carrière. Je fais le baptême de mon fils, est-ce que tu prends combien pour venir? Oula. C'est une petite question. En effet. Ah, bravo, mais je fais pas. Tu fais pas les baptêmes. Je n'es pas encore dans les baptêmes. Je suis pas encore dans les baptêmes. C'est un haut niveau, ça. C'est des choses qui arriveront, hein, peut-être, Gims, par la suite. Sait-on jamais. Mais en tout cas, en même temps, tu fais ça, tu t'en sors plus. Hein. Continue à balancer les messages. Attends, qu'est-ce que j'avais vu ouais. C'est numéro à Gims. Si c'est ça, je cours tout nu dans Marseille. Donc je pense que tu peux te préparer. Ah, il a dit quoi? Il y en a un, 06 51 39. Je balancerai pas la suite. Hein. Si c'est le numéro de Gims, si c'est ça, je cours tout nu dans Marseille. Écoute, donc c'est bien le numéro de Gims. C'est parti. Tu pars de Balzins jusqu'au panier. Allez, vous nous envoyez les messages, les Marseillais, hein, si vous croisez quelqu'un nu dans votre ville. Et puis il y avait aussi un petit répondeur à écouter qui a été balancé sur le numéro 06 71 74 84 15. Écoutons ce répondeur. Allô, Maître Gims, Enzo de Nazareth. J'aimerais envoyer sur Skyrock un petit freestyle, je fais ça en mode reggaeton. Je suis dans ma salle de bain, je ferai la fun. Je fais des moonwalks comme Michael Jackson. Voilà. La drogue est toujours bonne, c'est toujours bon de savoir. N'hésitez pas à laisser vos messages dans n'importe quel état. Bravo, bravo. Bravo à toi, 06 71 74 84 15. On met un petit morceau, même un gros morceau, j'ai envie de dire, puisque c'est le Est-ce que tu m'aimes ? On va commencer maintenant. Le Megazord. C'est un gros titre extrait. Un gros titre, un des plus gros titres de l'album, je pense. Il est dans mon top 5 de l'album. C'est ton top 5. Ce qu'on appelle un Megazord. Bon, il y a des gros sons. En même temps, sur 26 morceaux, ton top 5, il doit changer souvent aussi. Tout dépend de l'humeur. Non, mais il y a un top 5, hein. Franchement, j'ai un top 5. Hein. C'est pour quoi moi, après, c'est personnel. C'est quoi ton top 5 à toi, Gims? Je te pardonne. Mm-hmm. Brisé. Je te pardonne quelle version? Parce qu'il y a deux versions, hein, je te pardonne. Hein. C'est un des morceaux de l'album. Ouais, il y a deux versions, c'est vrai. Pour moi, ouais, celui avec Sia. Parce avec que Sia. Quand même, il y a quand même Sia, quoi. Bon, tu nous raconteras l'histoire de ce morceau aussi dans la semaine. Donc, je te pardonne, je brisé. Je te pardonne, brisé. Est-ce que tu m'aimes? Tu vas me manquer. Et le cinquième dur, hein. Parce que non, il y a un gros son qui est Mon cœur avait raison. C'est un très gros son aussi. Mais j'opterai pour j'aime beaucoup moi ça paie comme jamais avec Niska. Avec Niska, ouais. J'aime beaucoup ce son. Ça aussi c'est un gros titre de l'album aussi. C'est un très gros titre. Qui est d'ailleurs bizarrement dans la pilule bleue. Qui est bizarrement dans la pilule bleue, ouais. C'est vrai qu'on est dans la pilule bleue parce que on était partagé vraiment. Le Fa, il me disait mets-le dans la rouge, et genre, d'autres me disaient dans la bleue. Finalement, j'ai mis dans la bleue parce que l'univers, le son en lui-même, c'est j'ai fait la pilule rouge pour du rap, pour rapper, pour vraiment faire des sons des sons qui tranchent quoi. Et ça c'est la plus fête. Africain, plus africain, ouais. C'est la fête, ça danse, tu vois. Donc je me dis pilule rouge, je pense pas, tu vois. Ah, ça a dû être dur quand même le choix parfois, c'est ouais, bordélique. En même temps Niska, il est là, il est voilà, il est plus rouge. Ouais, il est plus rouge quand même Niska. Mais je pense que c'était une exception là. Mais sur la tendance en tout cas, voilà, sur c'est pour ça que tu l'as mis sur. C'est plus bleu. Bon bah là on écoute aussi un extrait de la pilule bleue de cet album de Maître Gims. Est-ce que tu m'aimes maintenant sur Skyrock? J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. Où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle? On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le ciel. T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. Afin de te voir, même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. Afin de te voir, même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Si je t'aime. J'sais sais pas si je. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Maître Gims. Mon cœur avait raison et ce morceau à l'instant qu'on écoutait. Est-ce que tu m'aimes sur Skyrock? Ouais. C'est la question. Est-ce que tu m'aimes? C'est la question qui est posée. Est-ce que je t'aime? Mais je sais pas si je t'aime. Je ne sais pas. Puisqu'on n'a pas la réponse dans ce morceau. Ouais. Mais peut-être dans l'album d'ailleurs, en écoutant peut-être bien. Peut-être dans l'album, peut-être que les sons s'enchaînent, peut-être qu'il y a quelque chose à décrypter. Et alors justement, tu sais quoi, je voulais qu'on revienne d'ailleurs sur Subliminal, parce que je me souviens qu'on avait fait la présentation dans Planète Rap. Tu m'avais dit, de toute façon, il faudra du temps pour que tous les gens comprennent ce qu'il y a dans les morceaux, même voir dans la pochette. Qu'est-ce qu'on a pu louper sur cet album, Gims, sur Subliminal, que tu peux dévoiler maintenant? Je pense que le message qui revenait le plus dans Subliminal, c'était que voilà, que j'allais certainement m'arrêter et partir un peu. Mmh. C'est ce que j'ai voulu dire à travers les sons. Je me tire pas, par exemple. Voilà, je me tire, on peut écouter dans la chute, dans épuisé. Je pense que c'était le message principal de cet album-là. Vraiment. Et donc on n'est pas passé à côté de choses non plus. Non, après c'est bon, on n'est pas passé, c'est pas non plus un film ou un trailer. D'un seul coup, il y a qui ressort. Non. Donc non, tout était à peu près dit et on est à peu près tous compris. Voilà. Il y avait un moment où tu arrivais à la fin d'un. Sinon, les gens, ils ont un album qu'ils n'ont pas compris. On sait jamais. Hein. Donc voilà, le message subliminal, c'était il y a un moment, voilà, un peu ras-le-bol de tout ça. Il faut que je souffle. Exactement. Il faut que je souffle pour mieux revenir. C'était à peu près ça. L'album tournait beaucoup autour de ça. Mon cœur avait raison, c'est un autre album. Il sort vendredi. Et là, nous allons faire tout de suite un petit quiz de l'été, un petit blind test de l'été, et notamment basé autour des tubes de l'été. Ouais. Est-ce que tu vas être aidé d'ailleurs? Puisqu'on peut demander à X-Gangs, Insolent et l'un. Un saut, le véritable, qui va participer au quiz. Tu as le droit à une aide. J'ai le droit. Joker. Tu as le droit à quelques jokers. Vas-y. Donc évidemment, toi tu sais, tu as signé de nombreux cartons durant différents étés. Il y a eu 2012, il y avait avec la section Watia House, Bella 2013. Mm-hmm. Est-ce que tu m'aimes aussi cette année, hein, qui a des gros cartons. Pas forcément un son été, mais qui était un tube de l'été. Finalement. Un des gros tubes de l'été. Un des gros tubes de l'été. 2015, et face à toi ou face à vous, il va y avoir Jordi qui a bien grandi depuis. Jordi. Ça va Jordi? Jordi de Pargny-sur-Sault dans le 51. Jordi. C'est ça. Ah, ça a dû être dur. Juste. Ouais Jordi. Ça va Jordi? Bien ou quoi? En forme? Ça va. Tranquille, les vacances. Ouais, toi t'es en vacances toujours Jordi? Ouais, en vacances toujours. Et après? Je vais passer mes tests pour entrer en école de gendarmerie. Oh, pff. Aïe. Jordi en école de gendarmerie. Lourd. Bah tu pourras prendre des photos avec Gims, il le dit dans ses morceaux maintenant. Ouais, ouais. Photos avec plein de gendarmes. Ouais. Bon, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'y connais toi en tube de l'été? Ouais, à fond. Alors attention, tu n'étais peut-être pas né Jordi. Écoute, premier extrait, qui sera le plus rapide? On y va. I am, je danse le mien. Ah ouais, c'était 94, été 94, hein. Tu n'étais pas né. Où l'ambiance était chaude, hein. Et les mecs rentraient. Ayam, ça fait partie des gens que t'as écouté, Ayam? Oui, énormément. Énormément. J'ai énormément écouté Ayam en tant que rappeur, en tant que jeune du quartier, quoi. Étant donné évidemment, l'évolution à Marseille, chez les quartiers nord. Donc je danse le mien, été 94, premier extrait, un point pour Gims. Attention Jordi, toujours prêt? Ouais, toujours. Ça, celui-ci, alors là, tu peux être carrément dedans, on y va. Stromae, papa ou tête? Stromae, formidable. Non, pas formidable. C'est papa ou tête, Jordi. Pourquoi j'ai dit formidable? Pourquoi t'as dit formidable? Été 2013, évidemment. 2013. L'incontournable. L'incontournable. Stromae. Le monstre. Quelqu'un que t'aimes bien aussi, pareil. Ouais. Incroyable, hein. Incroyable ce mec. Laisse tomber. Donc deux points, il faut te rattraper, Jordi. Est-ce que tu es prêt? Ouais, ouais, toujours. Alors là, attention, ami, quand même, parce que celui-ci était tellement simple qu'on l'a inversé. Écoutez. Bella, maître Gims. Bella. Elle a pas besoin de joker, elle connaît tous les tubes. Bella. Même inversé, t'avais. Même inversé, j'ai reconnu. Ah ouais, parce qu'il paraît d'ailleurs que tu as failli sortir inversé le morceau. Hein. En 2013, un des gros cartons aussi de l'été 2013. Bella, quatrième extrait, on y va, c'est parti, attention technique. Attention, c'est la danse du coup de boule. Zidane, c'est la danse de la Coupe du Monde 2006. Ah, bien. C'est quoi ça? Ah, je suis largué. Zidane va marquer. Non, c'était pas lui en plus. Ouais, il avait repris, mais là, non, c'est la version originale en fait. C'est la version, c'est pas le cover. C'est pas le mauvais cover, c'est la version originale de La Plage, le fameux coup de boule, tube été 2006. Là, le point est forcément pour Jordi, je suis désolé. Ah, trop fort Jordi. Et alors, attention, tout va jouer sur celui-ci, on y va. Didier Hamida avec l'artiste, avec Aïna Samet et 113, et même Remka, il n'est pas dans le clip. Ne m'appelle pas. Déconnecté. Et l'artiste aussi. La la, je suis avec mes potes, je suis avec mes sables, sauf palais, je me balade. Ne m'appelle pas. Je suis pas là, la la la. Gros tube. Il a quand même trouvé avant DJ Hamida, donc j'ai envie de dire bravo. Ouais, mais non, mais Jordi. Le titre, attends, non, bravo Jordi, t'as pas gagné Jordi. Tu gagnes l'album dédicacé. T'as pas dit le titre Jordi, à vous. Il s'appelle comment le son? Il a dit quoi? T'as dit quoi comme son? T'as dit J'ai dit DJ Hamida. Ouais, mais il s'appelle comment le son? Voilà, il a dit. T'as pas dit Jordi, t'es un mytho. Tais-moi, t'es un mytho. Tu vas pas être mauvais joueur. Jordi. Tu veux pas bien, tu veux pas repartir avec ton album dédicacé par toi-même. Tu mérites pas. On t'envoie ça Jordi en tout cas. Merci. Merci à toi. Petite dédicace à passer. J'ai hâte d'avoir l'album dédicacé Maître Gims. Ah, écoute, c'est vendredi. Il y a un gros big up à vous tous. Eh ben merci à toi en tout cas Jordi. Passe une bonne soirée. Oui. Je pourrais demander un truc aussi à Maître Guin. Ben vas-y. Dis-moi. Est-ce que tu peux me follow sur Twitter s'il te plaît? Que je te follow sur Twitter? Ouais. Vas-y, je vais te quand follow. Tu seras gendarme, il te followera. c'est toi qui te feras suivre. Ouais. Tout dépendra. Arrange-moi sur des trucs. Hein, oui, quoi que ça peut servir, Jordi. Il va bientôt être gendarme, je le rappelle. Petite évasion. À bientôt, Jordi. Merci. Merci. Et une arrivée remplie de rouge d'un seul coup. On avait dit qu'on était sur la pilule bleue, mais. Une arrivée remplie de rouge, là. Et ben, ne bougez pas dans un instant, on vous dévoile qui sont les membres. Ce sont nos invités d'honneur. Les membres de la pilule rouge. Les membres qui viennent de faire une entrée fracassante. C'est juste après autour ça, du coup. Le retour de grand banditisme. Génoé. Ah oui, il y a des chaînes en or et tout, hein, qui brillent. Des chaînes en or, un kilo. Bougez pas. Un kilo autour du cou. Bougez. Ce genre de bordel, je peux vous garantir que c'est du lourd. Hein. Je savais pas que t'avais une carrière d'imitateur en fait. Je suis imitateur, je compte me reconvertir dans l'imitation. En fait, c'est ça. Là, j'ai pris je suis dans la peau des mecs du Sud, de Montpellier particulièrement. Tu fais un mec du Nord aussi Qu'est-ce que je dis toi? On va y réviser pendant les pubs. Bouge pas, Gims, le retour c'est après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Maître Gims pendant une heure complète ce soir. Planète Rap, Maître Gims. C'est Maître Gims toute la semaine sur Skyrock. Mon cœur avait raison dans Planète Rap entre 20h et 21h. Gims qui est bien agité ce soir. Puisqu'il y a eu, différentes arrivées, hein. Quelques-unes avant la pub, une à l'instant pendant la pub et le morceau de Nekfeu pour ceux qui l'ont eu. Gims, que se passe-t-il? Bah là, il y a du monde qui arrive. On a pu apercevoir l'intransférable DRY qui vient de faire une entrée fracassante. J'arrête avec cet accent. DRY est là. Dry qui est là, en pleine forme aussi. Hein. En pleine forme. Et une arrivée en rouge. Et une arrivée aussi, en rouge de JR Ochrome et Doumams. La Vendetta. Aïe. Comment ça va messieurs? Bonsoir à tous, on est là, au calme. En pleine forme. Bon, vous êtes sur la pilule rouge, c'est vrai que normalement ce soir c'était un peu plus la pilule bleue, mais là on a basculé, hein, ça peut basculer, en fait, bleu et rouge. Il y a une pilule bleue, une pilule rouge, donc c'est la pilule rouge, avec un morceau qui s'appelle Uzi. Uzi. Où ils sont présents, vous êtes présents. Ouais. Voilà. Ça va bien? Très street. Et franchement ça va très bien, on a été super honorés de pouvoir participer au projet. Voilà, il nous a envoyé le son, on a kiffé, on a trouvé le son lourd, tout ça. Et franchement, voilà, c'est le fait qu'on ait pu participer à ce projet, qu'on a eu l'occasion d'écouter. À la dernière minute. Et franchement, lourd. Et ben voilà. Lourd. Vous vouliez ajouter quelque chose, messieurs, sur ce morceau, sur Uzi? Ça va aussi dans la lignée du projet Vendetta qui va arriver? Ça va. Exactement. Ouais, exactement. Exactement. C'est ça. C'est pour ça qu'on a pensé à eux pour ce titre-là. Mmh, mmh. C'est le titre, j'ai envie de dire, un peu le plus dark, hein, le plus sombre, le plus grave. Négatif. Et en même temps, le plus quinri. Je pense qu'il est vraiment très quinri dans, dans l'interprétation, dans le style du refrain et tout. Ouais. Est-ce qu'on l'écoutera ce soir, le morceau? Ouais, on va l'écouter. Est-ce qu'on va pouvoir le balancer dans quelques minutes? On va pouvoir le balancer. Très bien. Ça, ça arrive donc le morceau Uzi, puis le projet Vendetta qui arrive quand alors? Le projet Vendetta, il arrive. Il est prévu le 26 début, février. Début 2016. Donc début 2016. Voilà. Là, il est terminé, il est bouclé, il est plié et tout. Ah, c'est, bah, ça y est, on peut annoncer la date alors. Bien sûr, voilà. C'est le 26 février. 26 février 2016. Ah, exactement. Sorti là, l'album, il est fini, on fait que du surplus, du bonus. Du surplus, voilà. On s'amuse, on s'amuse. Et bah, loupez pas donc. Et puis d'ici là, le morceau Uzi à découvrir dans quelques minutes. Gim, c'était important de les avoir aussi sur le projet. Bien sûr, c'est la section d'assaut. C'est la section, ouais. C'est la section. Après, j'ai pas voulu faire un morceau section d'assaut. Il n'y a pas eu d'enregistré de morceau section d'assaut. Oui, il y en a eu, mais on n'a pas voulu. On n'a pas voulu faire un morceau section d'assaut comme ça, tu vois. J'ai préféré un peu dispatcher tout le monde à gauche, à droite. C'est quoi? Parce que pas content du résultat? Parce pas que... content du résultat et peut-être trop tôt ou je sais pas, tu vois. On l'a pas senti. Mm-hmm. On a fait hein, des sons, mais on l'a pas senti. Donc j'ai préféré mettre Jireh Doumams sur un son, Barak Adama sur un autre. Et Le Fa Le Fa sur un autre. Sur un autre après, morceau. Black M était beaucoup en tournée. Maska était un peu absent aussi. On n'a pas eu le temps vraiment de se voir, de faire du son, quoi. Très bien, donc en attendant, il y aura le morceau Uzi qu'on va découvrir, mais juste avant, et avant de passer au freestyle de Planète Rap, bah tiens, on va mettre le morceau avec Le Fa, Longue Vie. On met Longue Vie, ouais. Allez, c'est parti, c'est extrait du projet Mon Cœur avait raison. Ça va bientôt faire 6 ans de règne, et t'hésites à m'appeler Superman. Je me contenterai d'un superstar. Je remets mes lunettes et je souhaite une longue vie. Oh, longue vie. À ceux qui disparaissent dans l'ombre sans nous laisser le temps de leur dire goodbye. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. J'ai pas retourné ma veste, elle est réversible. Bienvenue dans la confrérie. L'objectif dans la dounia, devenir riche comme Vivendi. Action, vérité, j'suis le vrai. Game se vérifie quand je refuse de poser. Elle chiale comme Katniss Everdeen. Salam au frère, j'suis tombé, j'dois tout refaire. La thune que j'donne aux impôts sert à faire briller la tour Eiffel. Mais vas-y, laisse ça. La coque est blanche, mais rend les gens sales. J'suis venu vous faire douter de vous-même comme Aristote et Socrate. Trop loin, écarte-toi si tu es cardiaque. La voiture s'autodétruira en cas de cardiaque. On me respecte depuis que j'ai pris le contrôle de Paname. Comme si je montais sur scène avec un hologramme de Saddam. Y'a pas le choix, c'était soit les soirées bédotisme ou devenir multimillionnaire comme Dawala du 19. Enfermé, égaré depuis la maternelle. J'suis borné, de toute façon j'ai tout mon temps comme Burnell. La Burnée, illusoire, dit-il, confiant. Alors que pour lui le bien et le mal se confondent. S, coupé, biturbo, Paris, Marbella. De 30% à Bella. As-tu donné ton terma? La la la. Ça va bientôt faire 6 ans de règne. Et t'hésites à m'appeler Superman. Je me contenterai d'un superstar. Je remets mes lunettes et je souhaite une longue vie. Oh, longue vie. À ceux qui disparaissent dans l'ombre sans nous laisser le temps de leur dire goodbye. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Pareil que je plexe, c'est rare d'entendre un mec rapper. De nos jours, merde, je voudrais pas les complexer. Style, attitude, si tu me vois plus, lève la tête. Je suis en altitude sur la première page d'iTunes. Dis-moi stop, ralentis, s'il te plaît. Sinon, dis-moi clairement, fallait écris-moi un titre, je te paye. La prod est gang, la viens même pas faire le gosse de chérie. Essuie le gloss de ta chérie, mets sur pause ta série. Wesh, t'oses dire que c'est serré entre nous. T'es pas sérieux, je suis dans le coup. Toi, tu me tiens ma part le trou de la serrure. Je reviens de vacances, négro, je balance une avalanche. Toute la salle, salon, je présente pas, non, je suis un gagnant. Gros, je vais faire du sale, j'annonce. Il va pleuvoir des reprises de volée. Le game ne leur a pas volé. Dites aux voisins de s'affoler, de fermer les volets. Je vais foutre la merde comme folé. C'est téléphoné. La capitale est sans capitaine depuis que j'ai millé. Voilà ceux qui demandent où est Fall, ils sont des milliers. Négro, leur carrière meurt tôt. J'ai convaincu le public comme Brahimi à Porto. Quand je vise, j'élimine. Quand tu kicks, c'est limite. Tu fais quoi là? Tu m'imites? Ah d'accord, t'es mimi. T'es mimi, mais la vérité c'est que t'as plus de jus. Laisse-moi faire, je peux pas perdre, je côtoie plus le jeu. Ça va bientôt faire 6 ans de règne. Et t'hésites à m'appeler Superman. Je me contenterai d'un superstar. Je remets mes lunettes et je souhaite une longue vie. Oh, c'est le temps de leur dire goodbye. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quitte le vestiaire, t'es qu'un début, t'en fais pas le show, reste tiède. Tu veux mon niveau? Espère. Ce que t'entends là, c'est que la partie visible de l'iceberg. Merde. Quitte le vestiaire, t'es qu'un début, t'en fais pas le show, reste tiède. Tu veux mon niveau? Espère. Ce que t'entends là, c'est que la partie visible de l'iceberg. Merde. Sur l'assaut, Paris 9, 10, 18ème, 19ème, 20ème. Qu'est-ce que j'aime moi ce morceau là, ouais, j'aime là. Beaucoup moi aussi. Ah, il est bon celui-ci. J'aime beaucoup ce morceau aussi. Longue vie avec le Fa. Avec le Fa, longue vie. C'est un morceau qu'on retrouve sur l'album qui sort dans 3 jours maintenant. Voilà, l'album qui sort dans 3 jours, qui est déjà en préco. On peut y aller. Numéro 1 sur iTunes, grâce à vous. Grâce à vous, les soldats qui. C'est vous. Oui. C'est le peuple. What is soldat? What is soldat, voilà, c'est grâce à vous. L'album est dispo. Le single de Brisé est super bien rentré aussi. Il est rentré dans la découverte sur Sky. Là. Lundi. Tout se passe, franchement, c'est magnifique. Il va continuer. Rêver. C'est magnifique. Merci à tout le monde. Hein. On remercie pas assez les gens, on remercie c'est pas vrai. Assez les supporters. Et c'est. Ils font des carrières, c'est eux qui font les carrières. Mais c'est vrai qu'on a tendance en plus souvent à bloquer sur des trucs négatifs tout le temps. Ouais. Une petite remarque, un petit truc, un petit pic, non, un machin. Et alors qu'il y a quand même une majorité, et t'en es la preuve, parce que quand on vend 1 million d'albums subliminal comme subliminal, c'est un truc qui est quand même assez incroyable et rare dans la musique. Et on profite pas assez souvent de profiter de l'antenne pour remercier les gens. C'est vrai, on en qui sont là, pas qui écoutent. Les gens écoutent, ils sont là, c'est eux qui font, c'est le peuple. Si demain le peuple décide d'aller chez toi te soulever en caleçon, ils vont te soulever. C'est ce que je te dis. C'est le peuple qui décide. Certains seront plus durs à soulever que d'autres. Excuse-moi, je me tourne vers JR, mais. Je pense que ouais. Faut venir avec. Non, mais ça veut dire que c'est le peuple, tu vois, il faut remercier ces gens, c'est les gens qui. Tu sais, les gens, ils n'en demandent pas beaucoup. Une photo, un remerciement, une pensée, les gens ils sont contents, une dédicace. Donc voilà, dédicace à tout le monde, à la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, tous ceux, l'Afrique, tous ces gens qui participent à tout ce succès. Avec le hashtag 6 ans aussi. De règne déjà. Ouais, Maître Gim sur Skyrock, vous balancez vos messages, ça arrive directement dans le studio. On n'a pas salué, mais il est là aussi, Dry. Bien sûr, calme, l'intransférable, il est arrivé en douce. Oh, il était déjà là, tu vois, posté dans un coin tel. L'amiral qui lui aussi est encore sur d'autres projets maintenant, je crois. L'amiral d'air, toujours sur un projet. C'est Hollywood qui l'attend. Il est sur un gros film. Si je me trompe pas, c'est Hollywood là. C'est pièce, hein. Arrête. J'ai vu quelques photos déjà. On est sur un petit film là, ouais, avec Dawala. Ouais. Qui s'appelle La Pièce, tiré de mon morceau La Pièce. La Pièce, il y avait un morceau de Dry, ouais, La Pièce. Ouais. Donc voilà quoi. C'était une bonne expérience, c'était sympa. Là, très bon acteur Dry. Ah, vous avez fini? Arrête de bire. Non, très bon acteur. Non, franchement. Ouais. Ah, mais en acteur, je pense qu'il est très fort en acteur. Ah, ça bire ça, les yeux. Très fort. Et c'est quand le film alors, Dry, par contre, on peut dire un mot? Le film, je pense que c'est l'année prochaine, mais on a fini le tournage, j'y ai participé. Pas un coup de fil pour Warano, rien. J'attendais, je vois les photos. Je vois l'Instagram, Ça vit le rêve, sa vie. Zéro coup de fil à Warano. Même pas non, le mec gimmick, un album, on va pas, c'est plus important. Tu n'as pas entendu la BO, action coupée, rien. Rien, j'ai rien entendu. Non, bien sûr, pour le rassurer, la BO n'a pas été en caleçon. Donc, il aura sûrement une ou voire deux plages. Consacré à Gims. Bien lourd, sûr, en tout cas. Peut-être que tu feras le générique de fin. Lourd, peut-être, on espère. Ça te donne des DR. Non, mais bien. Peut-être. Ah, c'est chaud, j'aurais pas dû venir aujourd'hui. Bon, le film, donc on attend ça. On peut dire le pitch ou c'est trop tôt, Dry? Bon, on va en garder un peu pour la suite. Là, on est là pour la pilule rouge. Ceux qui ont écouté la pièce de tout voilà, on peut dire que ceux qui ont écouté le morceau de Dry, la pièce, c'est le pitch. On est dedans. Un peu. Voilà, ceux qui connaissent. Après, on en parlera un peu au moment plus tard, le moment venu. Je pense que c'est plus. C'est mieux comme ça. Bon, est-ce que tu voulais ajouter un mot sur pilule rouge, pilule bleue? Est-ce qu'il t'a appelé aussi pour l'une des deux pilules? Est-ce que tu étais appelé? Gros, pas un coup de fil. Ah ouais, gros. Ah bah, t'as déclenché les hostilités, Gims. Hein, pas un coup de fil, personne, l'intransférable. On me respectera. Non, au contraire, moi j'ai fait beaucoup de morceaux avec Gims, donc. C'est vraiment rien de grave qui ne m'appelle pas sur ce projet là quoi. Mais bon, j'ai écouté mal pris ce soir. Donc j'ai écouté quelques morceaux, j'ai quand même eu l'honneur d'aller quelques fois en studio le voir. Et franchement, Mais après, le mec, il est fort. Il est fort quand il kick, il est fort quand il chante, les morceaux sensés, il sait écrire. On peut que respecter le travail. Donc c'est un gros album, j'ai pas tout écouté, mais bon, j'attends ça avec impatience lundi. Merci. Comme tout le monde. C'était le mot de l'amiral. Le mot de l'amiral, très important. Et c'est, non, c'est, tu sais que maintenant les sorties c'est le vendredi. C'est plus le lundi, Dry. Ouais, tu restais à l'ancienne. Non, j'étais en vacances là, je viens de rentrer, les gars. Ce n'est plus le lundi, c'est le lundi. Désormais c'est le vendredi les sorties. Ah, désolé. Bah, on et dans le monde lundi. Entier. Hein. Hop, c'est dans le monde entier, maintenant c'est les sorties le vendredi. Oh, non, on sera présent vendredi, on va aller acheter nos CD au calme. Et puis on précommande dès maintenant si on peut le trouver d'ailleurs au pas d'iPhone, gros. Ça marche avec d'autres applis. Vendredi, tu seras aussi en séance dédicace, c'est ça. Ouais. À partir de 16h à la Wattie Boutique. Boutique, exactement. À Paris, il y aura aussi une séance dédicace à Nantes le 2 septembre dans un lieu qui sera donné sur les réseaux sociaux. Ouais. 3 septembre, une séance dédicace à Lille. Et je marque, et on m'a marqué sur ma fiche vendredi, grosse surprise à venir. Ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai. Vendredi, c'est surprise, gros, mais. Ouais, surprise, grosse surprise vendredi. C'est lourd. Ce vendredi ou celui de la semaine prochaine? Non, ce vendredi. Ah, ce vendredi, d'accord. Ok, donc le jour de la sortie. On en parlera. On essaiera de tout savoir avant la fin de semaine dans Planète Rap entre 20 et 21. On a un problème avec le freestyle, je crois que le standard a disjoncté aussi. C'est la soirée. Est-ce qu'on mettrait pas maintenant le Uzi? Ouais, on peut faire écouter Uzi maintenant. Ça, je sais pas, Drake, si tu l'as entendu. Uzi, celui-ci. Pilule Rouge, Futurik Vendetta, Girochrome. Si, écoutez, bien sûr. Ici présent, donc. Girochrome, Doomams. Ouais. Associé très gros, à Maître Gims. Très gros couplet. Bon. Ça s'appelle Uzi, c'est quand vous voulez. Yeah. Vous le balancez maintenant, on le découvre et vos réactions, le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Check, j'suis pas le plus sain. Mais check en faisant du mal, j'ai fait du bien. Et ça peu de gens savent. Musique annoncée. Regarde couleur billet. Pour tout ce que tu m'auras pillé, tu vas danser YMCA. Rien à cirer, scier seulement si la scie. Tu peux plier, tu pourras nous filer. Ou tenter de doupiner. Pour l'instant c'est miné. Back, économie, non, j'économise. Yes, combien de vie? Une cannabis. Uzi pour te blesser. Seule la mort peut nous désarmer. Section d'assaut dans ton building. Faut faire appel à l'armée. Peux-tu m'empêcher de schéma? Les chiens sont libres de courir, même Sénat. Pas avec le mur à le visage d'air tant de Sénat. Ils me font grailler de la terre. Je régurgite que des roses. J'oublierai pas. La chaise est électrique, mais rien à foutre, me pose. On se fait apprendre, arrache-toi. D'ici y a un million de raisons de sortir. Uzi, pendant que je chante, un type prépare son suicide. Chez moi y'a pas de courant. Comment péter? Impossible. Je suis d'humeur noire, j'écris, je remplis des pages tous les soirs. Comme mes potos gros, je me fracasse l'œsophage. V'là les justiciers masqués, mais sans les caps. Du bon taf, signé V-E-N-D-E-2-T-A. Je suis dans les temps, selon moi, mais j'ai comme un léger handicap virulent. Trash nocif, plus dévastateur et plus calme. Ni j'ai bu jusqu'au trou noir, plus comme un malade mental. Affligea mon organisme et douleur. inexplicable. Chaque soir c'est la même, on se fait le remake. De la veille on claque, casse des bouteilles on plane. Même sans kérosène on clash. Van sur un tel à pute, 4 sur un terre. Attendre que le pif tombe du ciel, on a pas que ça à faire, on est. Comme sur la selle est épuisée, se dire que ce n'est que le début des plaines, que les soucis nous creusent les pommettes. Sans précédent à les zones et les tentes de faire un billet déterminé. Quitte à prier seul avec Iblis au sommet. Poto la débrouille, ça on connaît. Jerry du trag à paraffiner, ça on connaît. Vendetta money. Certains la voient comme remède. On passe ton queutre même s'il y a les keufs à 100 mètres. On se fait apprendre, arrache-toi. D'ici y'a un million de raisons de sortir. Le 28 août, que les pas. J'entends un type prépare son suicide. Chez moi y'a pas de courant, comment péter, impossible. C'est quoi les news? Chez moi y'a pas de courant, comment péter, impossible. Tu t'attendais à quoi? Yeah, en compagnie de DJ Last One, numéro 1. Uzi. Ah, gros titre hein, aussi, ah, bien celui-ci. Tu sais que depuis qu'on l'a terminé, j'avais même pas écouté en vérité. Ah ouais? J'ai écouté une fois. C'est assez marrant parce que j'ai l'impression que chaque fois tu me dis ça quand tu viens dans les planètes rap. Je sais pas le dis vraiment. Non, je te jure, j'ai l'impression que chaque fois tu me dis tiens, je découvre le morceau. J'ai l'impression que tu répètes toujours les mêmes trucs. Oui, aussi. Depuis des années, cousin. Et depuis des années aussi. C'est ça tire, c'est ça. Ah, ce soir, fallait sortir. Ah, c'est chaud là. Ce gilet rouge par balle. Chacun son usé. Non, mais ouais, bon, franchement, gros morceau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a enregistré dans le même studio. Et limite le soir même. Limite le soir même. Ouais, j'allais vous demander comment il est né celui-ci. Donc t'as envoyé le son, c'est un des derniers morceaux enregistrés. Ouais, c'est un des derniers morceaux enregistrés. J'avais déjà posé moi mon couplet et le refrain. Mais le son dormait un peu. Je savais pas comment le terminer, je savais pas quoi faire dessus. Et c'est une idée d'Adama, il voyait vraiment bien Vendetta dessus. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. Moi, je savais plus. Et le résultat est à la hauteur de. Le résultat est là. Gyrochrome Doomams avec le projet qui sortira aussi pour Vendetta. Voilà. 26 février. Et puis en attendant, il y a donc vendredi la sortie de Mon Cœur avait raison. Ouais. Album de Gims qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Tous vos messages aussi avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. On fait un live? Ouais. T'es prêt? Vous voulez partir sur le live de Brisé? Brisé? Ouais. Comme tu veux. Ouais. C'est le tout nouveau titre qui est arrivé hier, celui-ci, qui fait déjà un véritable carton. Ouais, un beau carton grâce à vous. Les gens l'ont tout de suite adopté. Et je crois qu'il est déjà deuxième sur iTunes. C'est un truc de fou. C'est la première fois que tu fais en live d'ailleurs, celui-ci. C'est la première fois. T'es prêt? Je sais pas. Allez, Last One, on voit le son, c'est parti maintenant. Last One, MCAR, le 28 août dans les packs, yeah. Yeah. What I know. Yeah. Yeah. Yeah. Encore une fois j'ai dû disparaître. Des fois je t'aime, des fois je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné. J'ai donné tout autant que toi. Des larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore facilement. Encore et encore. J'essaie d'y croire. Je me voile sûrement la face. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. Je fais confiance. Aveuglé t'es ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. MCAR. Parce que. Vois-tu comment le diable est habile. La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant mal. Je veux voir de ton âme par les fleurs. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore facilement. Encore et encore facilement. J'essaie d'y croire. tu m'as poignardé dans le noir. Je fais confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Dis-moi, je me voile sûrement la face. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé t'es ma confiance. Et tu m'as fait du tort parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que j'essaie d'y croire. Je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance. Aveuglé ma confiance. Et tu m'as fait du tort parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Notre Games. Parce que le cerveau suit le cœur. À l'instant en live. Yeah. Et je me dis qu'avec tout ce que t'as en plus dans la tête comme morceau, les faire comme ça en live, c'est... Ouais, c'est un challenge, je me suis dit, vas-y, je me lance. C'était un bon challenge. Je me suis dit, je le lance, ça y est. Bah répétition non, avant le mois de novembre aussi, la grosse tournée à pas louper, tournée des Zéniths, de Bercy aussi pour Gims. Toutes les dates sont sur le skyrock.fm, une tournée Skyrock à pas louper, avec bientôt des places, je vous le dis, à choper aussi dans les prochaines roulettes pour aller voir Gims près de chez vous. Ça va? Ça va. Ça va transpirer. Ça se voit, il a eu chaud là. Il est chaud. Physique, de la sueur là. Ouais. Celui-là, il est énervé. Il est technique celui-ci. Ouais, ouais. Il est très haut donc. Mais j'aime beaucoup, j'aime bien chanter comme ça, fort, crier. Donc. Et bah, c'était réussi en tout cas. Vu les messages aussi, vous les balancez avec le hashtag Maître Gim sur Skyrock. Avant de se quitter, on finit avec Laissez passer. Ouais. Allez, c'est parti, puis la roulette qui tourne après. Monsieur Juna, je m'inquiète pour ton avenir. Monsieur le prof, tu ne connais pas l'avenir. Il se peut que tes propres gosses écoutent ma zik et que le 458 soit dans le parking. Monsieur Juna, les papiers du véhicule. Monsieur l'agent, je ne possède que des tubes. Il se peut que vous m'ayez flashé dans la ville. Vous qui vouliez une photo pour votre fille. Donc vas-y, cause toujours en son tableau, tableau, tableau. Vas-y, cause toujours en son tableau, tableau. Papá. chroniqueur avait raison, Maître Gims, laissez passer à l'instant dans Planète Rap, c'est extrait de l'album qui sort vendredi, yes. Loupez pas sur Skyrock. Drake, est-ce qu'il y a un petit commentaire? Non, je suis avec Kings Gang. On parle de choses gang, gros. Ça rigole, hein. JR, je crois que tu voulais passer par contre une petite dédicace. Avant que j'oublie, avant la fin. Voilà, dédicace à Mega Dovni, Dani Santé, DJ Redice qui sont là dans la place. Grosse dédicace à la petite Maïmouna Marega. Voilà, aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc voilà. Et n'oublie pas Mams Infinity. Voilà. Mams Infinity de Beauvais aussi. Petite dédicace aussi de la part de l'équipe de Vendetta qui sortira le projet au mois de février. Gims, avant de se quitter aussi et faire tourner la roulette, un petit dernier mot, un petit dernier point sur cet album qui sort dans 3 jours. Bah écoutez, l'album sort dans 3 jours, on a tout donné. Tu voulais peut-être aussi dire un mot, je sais pas, à JR, à Doumams, à Dry qui sont là aussi. Bah, déjà le projet, j'ai découvert la date comme vous, donc on va enfin pouvoir communiquer la date. À 26 février, le 26 février. Vendetta. 26 février. Dry, qu'est-ce que je pourrais dire sur Dry? Que tu attends le film. J'attends le avec film. Impatience. J'ai suivi comme n'importe qui sur Insta. La BO. La BO, j'espère être appelé pour au moins la BO. Et pour faire un 16. Et, voilà. Et merci à eux, merci à tous. Merci pour le soutien de près comme de loin. Calme, on est ensemble, ma gueule. Et bah merci à vous. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock offre le jeu Until Dawn jusqu'à l'aube, plus la PlayStation 4 qui va avec. Avec Marine de Marc-en-Barœul, ça va bien Marine? Allô, oui, ça va en pleine forme. T'es en vacances, tu bosses, tu fais quoi Marine? Je suis en vacances, j'attends de reprendre les cours là, donc je me repose. Bah, très bien, tu en profites, Maître Gims est là, il t'écoute. Enchanté. Il va t'entendre stopper la roulette aussi. Ouais, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop cette chose. Cette chose. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, place de ciné pour le film Skyrock qui sort demain. C'est Agent 47, super. Hitman Agent 47. Et il y en a 4 en tout de places, plus le jeu Until Dawn. Il est pour toi. Super, bah, jeu bien, qui sort super. Aussi demain sur PS4, c'est pour toi. Très bien, mon frère il sera content, alors super. Et ben on te fait des bisous Marine, passe une bonne soirée. Vas-y, gros bisous. Ciao Marine, merci Gims. Merci. T'es déjà reparti dans les appels. Non, j'ai envoyé quelques messages. Trois messages importants sur la suite des affaires. Importante. Bon, merci. On se retrouve demain un petit peu avant 20h pour la suite de ce Planète Rap. Merci à JR, à Doumams qui était là ce soir. Merci à X Gangs, à Linso qui était là. Al Véritable. Merci à Dry. Voilà. Merci à tout le monde. Et je voulais dire, moi. Ah, petite dernière dédicace, JR. Non. Ah bon. La couleur, là. Je voulais dire la couleur, moi. Moi c'est la pilule rouge, moi. Tu connais pilule rouge. C'est ton pilule choix. Rouge. Moi c'est mon choix. La pilule rouge. C'est mes bails. Mais attention la pilule bleue. Mon pilule préféré gros. C'est lequel déjà? Ça paie comme jamais. Voilà. Ça paie comme jamais. Ah, c'est une frappe. C'est le morceau. Bah, là, c'est ça paie comme jamais. Voilà. Avec Nice, on en reparlera cette semaine aussi. Dry. Yeah. Non, je pense pas avoir de préférence. Moi j'écoute tout. Au calme. Merci Dry pour cette précision. Merci à vous tous. Merci Gims. On se retrouve demain. Ils sont de retour, bronzés, magnifiques. Certains musclés gentil. Plus que d'autres. Merci Fredo. Oh, ça continue là-dessus. Merci Fred. Yes. J'ai cité personne Marie. Bah, ouais, mais on voit tout de suite à qui tu penses. Et ça fait très plaisir. Merci Fred à toi, d'avoir vu. J'avais fait grave du sport pendant les vacances. Ouais, bah, ça se voit. Hein. Ah bah attends. Tu passes plus limite dans les portes là. Non, ils ont été obligés de studio, c'est trop large d'épaule. T'es trop large de l'épaule. C'est ça. Ouais. Trop large de l'épaule. Bon, bah, en tout cas, un beau Planète Rap qui s'achève. Ouais. Pour recommencer demain à partir de 20h toute la semaine. C'est la semaine Gims. Et t'auras une deuxième semaine Gims dans 15 jours. Dans 15 jours, juste après Slam C. Ouais. Comment il fait pour avoir 2 semaines? Et bien, il fait un double album avec une pilule rouge et une pilule bleue. C'est ça. Et vous parliez de Saper comme jamais, un extrait de ton album. Ouais. On a demandé hier à Black M, qu'on a eu dans l'émission hier soir, Black M. Ah, il est passé. Ouais, il est passé dans l'émission. Il nous a parlé un petit peu de ses vacances, de ce qu'il avait fait pendant cet été. Il a fait des festivals, il a tourné un petit peu partout. Exact. Et il a insisté pour nous dire que c'était son morceau préféré à lui aussi. Ah. Saper comme jamais, un extrait de ton double. Ouais. On le découvrira. Alors, quand est-ce que vous le passez, Saper comme jamais? Je pense qu'on va le passer vendredi. C'est vendredi. Ça tombe bien pour la sortie. C'est le jour où Niska viendra dans l'émission en plus. Ouais. Et Niska sera avec nous ce soir entre 21h et minuit. On va le retrouver. Peut-être que c'est son morceau préféré aussi sur l'album Possible, hein, ouais. Ça sera bien parce qu'il est dessus en plus. Niska, si vous le connaissez pas, il est passé dans l'émission. On l'a eu début du mois de juillet. Il y a un album de Niska qui va sortir en octobre, je crois. Gims, tu confirmes? Ouais, en octobre, c'est bien ça. C'est en octobre. Et ce soir, il sera avec nous. Donc, si vous avez un petit, on va faire un petit point sur ce que vous avez fait pendant les vacances, y compris les artistes Skyrock. Ouais. Donc, ce soir, après Black M et Big Flo et Oli hier soir. Et Niska, c'est le 11 septembre. C'est le tour de Niska. Et l'album, c'est le 11. Ouais, c'est plus. Ouais, c'est plus step, j'ai eu un peu, mais c'est plutôt. D'accord, c'est septembre, Niska. Ah, il avance. Niska va très très vite. Hein. Ouais. Bon, on en reparlera avec lui. On aura confirmation de tout ça entre 21h et minuit. Donc 21h, c'est dans 7 minutes. La radio libre commence même avant ça. On se met la pub en speed et puis on démarre tout de suite. Et on vous donne rendez-vous demain 20h. Ciao, ciao. Salut Fred. Ciao, à demain. Salut Gims. Salut l'équipe. Et là, c'est parti. Radio libre au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez et on se retrouve ensemble. On fait de la radio ensemble jusqu'à minuit. Profitez. Total respect.